Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo de méditation semi-guidée. La méditation d'aujourd'hui est ma favorite. Elle est simple et elle a un effet important dans les relations sociales. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur un point avec les yeux afin de maintenir un regard fixe et concentré. Avant de commencer la méditation, prends quelques secondes pour penser aux effets de ces 4 jours successifs de méditation. Quels effets ont-ils eu sur toi? Vois-tu une différence dans ta manière de penser, de ressentir les choses, de respirer? Te comportes-tu différemment? Tout d'abord, comme d'habitude, éteins ton téléphone portable, vérifie que la batterie de ton ordinateur soit assez chargée, règle le volume du son correctement et éloigne-toi de ton écran. Si tu as chez toi une bougie, prends-la et allume-la devant toi. Sinon, prends un autre objet, par exemple une statuette dont tu pourras fixer un œil, ou un symbole que tu pourras fixer du regard. Dispose cet objet près de toi, au centre de ton regard, face à ton visage, pour que tu puisses l'observer facilement en restant droit, en inclinant légèrement la tête vers le bas. Si tu ne trouves pas d'objet à observer, tu peux simplement observer un mur devant toi et choisir un point que tu vas fixer. Il faut que tu t'assieds près de ce mur et que tu restes en face de lui. Une fois que tu as choisi le point que tu vas fixer lors de cette méditation, tu devras maintenir ton regard fixé sur ce point pendant toute la méditation. Assieds-toi dans une position confortable, sur une chaise ou en demi-lotus ou en lotus sur le sol. Tu peux utiliser un coussin pour t'asseoir plus confortablement. Ferme les yeux à moitié. Garde les paupières relâchées et détendues. Et fixe le point que tu as décidé de fixer. Garde le dos droit de manière à pouvoir maintenir cette position en restant immobile pendant toute la méditation. Maintiens bien droit le bas de ton dos. Rentre légèrement le menton dans le cou. Ne penche ni trop à gauche, ni trop à droite, ni trop en arrière, ni trop en avant. Trouve l'équilibre de ton corps. Aujourd'hui, tu vas réunir tes mains au centre de ton corps, avec les paumes tournées vers le ciel et superposées l'une sur l'autre. Nous allons maintenir cette position de méditation pendant toute la séance. Inspire profondément par le nez, puis expire. Respire lentement, profondément. Ressens ton ventre se gonfler quand tu inspires, puis se vider quand tu expires. Maintiens toujours ton regard fixe sur le point que tu observes, que ce soit la flamme d'une bougie, l'œil d'une statuette ou un point d'un symbole ou d'un mur. Maintiens également ton attention sur ce point. Pense à ce point que tu regardes. Tu peux regarder cet objet avec tes yeux, mais également avec ton esprit. Dès que tu sens que ton regard se déplace un peu du point que tu observes, ramène ton regard rapidement à ce point. Ne juge pas ces mouvements. Ce n'est pas grave de parfois se déconcentrer. Ce qui compte, c'est que tu recentres ton attention. Quand tes pensées s'éloignent du point que tu regardes, ramène également tes pensées vers ce point. Recentre ainsi ton regard et ton attention sur ce point pendant toute la méditation. Garde les paupières relâchées, maintiens ton corps détendu Garde une respiration calme et profonde. Maintiens une position équilibrée. Je vais maintenant te laisser méditer seul sur ce point que tu fixes avec ton regard et avec ton esprit. Tu peux maintenant lever les bras et t'étirer. Lors de cette journée, tu pourras continuer à regarder les choses et les personnes avec la même concentration et la même attention. Tu observeras peut-être des réactions différentes de la part des gens. Ils sentiront peut-être que tu es plus attentionné et plus bienveillant avec eux. Emporte avec toi un peu de cet état méditatif que tu as créé aujourd'hui durant ces 15 minutes. Et tu pourras recommencer aujourd'hui à fixer des points, des objets ou des yeux et ressentir plus profondément ce que tu observes et ainsi calmer ton esprit et celui des personnes que tu regardes. On se retrouve demain pour une nouvelle séance de méditation avec des instructions nouvelles. Passe une très bonne journée.